La frustration. Bon, tu peux m'en parler. Mais auparavant... Oh, vas-y donc. Parle-moi de la frustration. Quoi, ça t'a frustré que je te... Non. On va pouvoir avoir quelque chose à dire plus longtemps. Ça, parle-moi donc, parle-nous donc, parle-nous donc de la frustration. Ce que je vais faire, si tu me laisses le temps. C'est quoi la frustration, premièrement? La frustration, c'est un court-circuit mental. C'est un court-circuit dans le mental qui peut servir les profits de l'ego, qui peut servir les profits de l'astral, mais c'est un court-circuit. Et c'est toujours un court-circuit. La frustration, c'est lorsque la structuration de la pensée ne peut pas se faire parce qu'il manque de données, parce que ce que l'astral avait prévu n'arrive pas, et ça se heurte à quelque chose d'imprévu. La frustration, c'est toujours un court-circuit énergétique qui met le feu à quelques substances astrales, puis nécessairement l'individu s'en ressent physiquement et psychologiquement. La frustration, c'est un court-circuit dans la pensée, c'est un court-circuit dans la logifération, c'est un court-circuit dans le mental, mais qui sert, comme je disais, le profit de l'ego. Et puis, à un moment donné, l'être humain qui se conscientise astralement va se servir souvent, sinon de plus en plus fréquemment, du facteur de frustration, uniquement pour pouvoir court-circuiter le mental, parce que c'est l'une des seules ressources qui reste à l'ego pour empêcher le mental de trop légiférer et pour empêcher le mental d'entrer en contact avec la conscience supramentale. Alors les individus vont devenir frustrés. La frustration va engendrer des mécaniques rétrogrades de l'ego, c'est-à-dire que la frustration va engendrer l'expérience d'une façon neuve, mais récupératrice de certaines vieilles mémoires, de certains vieux archétypes astrales. En l'occurrence, la frustration subconscientisée va engendrer un écœurement suicidaire, ça va engendrer l'impression d'être continuellement exploité par l'entourage, par le milieu, c'est-à-dire que la frustration va engendrer l'idée que l'humain qui se conscientise est exploité par les autres humains, exploité par la vie. Alors, il aura l'impression, à un moment donné, d'être exploité financièrement, d'être exploité matériellement, d'être exploité psychologiquement, d'être exploité même mentalement. Parce que l'individu mentalement a compris le phénomène du non-libre-arbitre, la frustration va engendrer, va se servir de la vision du non-libre-arbitre, qui n'a pas été tout à fait conscientisé, mais qui a été compris ou appris par l'astral, compris par le mental, mais pas encore conscientisé au niveau supramental. Et cela va faire en sorte que l'individu va conserver l'idée d'un libre-arbitre pour pouvoir se frustrer et lutter contre l'impression ou la puissance ou la pression du non-libre-arbitre. Alors, progressivement, la frustration va déternir l'énergie de l'individu, c'est-à-dire que l'individu reste énergisé, mais d'une énergie beaucoup plus basse. La quantité va rester la même. En réalité, la quantité augmente progressivement parce qu'il y a une baisse de sa qualité, par la baisse de vibration, et lentement, l'individu finit par être suffisamment énergisé dans le mauvais sens, suffisamment énergisé à tout lâcher. Le mental peut encore lui expliquer qu'il doit conserver la vie, qu'il doit conserver ce qu'il a. Comme il y a beaucoup de personnes dans la phase de conscientisation, à un moment donné, qui lâchent leur emploi, qui lâchent leur famille, leur femme, leur mari, leur enfant, etc. Et qui partent, à un moment donné, ils peuvent abandonner différentes structures matérielles jusqu'à tout donner ce qu'ils ont pour simplement découvrir facette après facette qu'ils sont juste plus beaux qu'ils étaient avant. Et parce qu'ils découvrent qu'ils se sont fait fourrer, ils se sentent frustrés encore une fois, court-circuit du mental, c'est-à-dire que le mental voyait des choses, l'ego projetait d'autres choses, puis comme ça se heurte l'un contre l'autre, à force égale, le mental ne prend pas le dessus, l'astral ne prend pas le dessus, il y a donc frustration. Et la frustration va s'exprimer chez celui qui se conscientise, comme un court-circuit et mental, on l'a vu, et psychologique et biologique, l'individu ne sait pas quoi faire et l'individu ne fait rien pour faire quelque chose. Mais là, il est dans un état neutre ou bien... Il est dans un état neutre où il peut crier un petit peu, chialer un peu, tourner en rond, se lever, se demander qu'est-ce qu'il fait debout, s'asseoir, chialer, qui était manipulé, s'asseoir. C'est une forme de court-circuit très intéressant pour les psychiatres. Mais là, est-ce que c'est parce qu'il n'arrive pas à atteindre il voit ça comme un échec dans les attentes dans lesquelles il s'était projeté? C'est parce que, premièrement, il n'écoute pas suffisamment ce que je dis. Deuxièmement, il n'écoute pas suffisamment ce que son ajusteur de pensée dit. Je suis un ajusteur collectif, c'est la même chose. Il n'écoute pas suffisamment l'intelligence. Troisièmement, il n'ose pas vouloir écouter l'intelligence parce qu'il a un ego extrêmement masochiste, un ego qui aime le faire souffrir, un ego qui aime le maintenir. C'est-à-dire, et ça c'est le médiocrisme de la majorité des êtres humains, donc nécessairement de ceux qui se conscientisent, la médiocratie, c'est-à-dire que c'est le médiocrisme qui est au pouvoir de l'évolution de la conscience de l'homme, de la femme. Et lorsque l'être humain vit cette phase de conscientisation où il sent et où il vit la frustration, il n'est plus capable de conserver énergétiquement la consonance vibratoire de ce que c'est que l'écologie, et il est toujours en train de transposer les événements et l'avènement d'une énergie nouvelle dans sa conscience, dans des vieilles mémoires du passé, c'est-à-dire que lorsqu'il découvre à un moment donné qu'il est écologique d'éteindre un incendie de poubelle, lorsqu'il l'a éteint, il se dit « Oui, mais les pompiers, eux autres, sont payés pour le faire, pas moi. Je me fais encore fourrer, je me fais encore exploiter. » C'est... Alors que s'il laisse la poubelle brûler, puis qu'elle met le feu à une bâtisse, puis que la bâtisse brûle au complet, il va dire « Tu sais, je me sens encore fait fourrer par mon astral, parce que c'était con de laisser brûler, j'avais qu'à mettre le couvercle sur la poubelle. » Non, mais tout ce que personne ne l'a dit, c'est pas faux. Exactement, tout est vrai. La seule chose qu'il y a, c'est que tu ne peux pas mélanger deux mondes. Et c'est parce que l'individu qui, dans sa conscientisation, devient frustré, mélange deux mondes qu'il ne peut parvenir à s'en sortir. Le neuf s'oppose équitablement au vieux, oui. Aux mémoires. Donc, notre individu est toujours en train d'intelligencer des choses, sa légifération lui permet de voir plus clair, mais en même temps, il est toujours en train de comparer, exactement comme si tu fais dépendre l'écologie des imbéciles. Exactement comme si tu continues à faire dépendre ta vision écologique et claire des choses de la vision inécologique et sombre des autres. Mais je comprends pas, là. Exactement comme si tu te dis... J'éteins le feu de poubelle avec en mettant une couverture dessus, mais je ne me sens pas frustré parce que les pompiers non plus ne sont pas payés. C'est écologique d'éteindre le feu avec de la poubelle avec le couvercle uniquement si les pompiers ne sont pas payés. Sinon, c'est écologique de l'éteindre, mais c'est inécologique de ne pas être payé. D'où frustration. Mais tu dois, et chacun d'entre vous devez, vivre votre conscientisation indépendamment de l'effet extérieur. Si pour moi il est écologique de faire ceci, je ne peux pas en même temps me sentir frustré de m'être fait exploiter, avoir été manipulé à faire ceci, parce que d'autres personnes font la même chose, mais eux se ramassent au soleil, eux ont ceci, eux ont cela de bénéfique. Non, mais c'est difficile, parce que là, il faut vivre... Mais on s'en fout que ce soit difficile. Une minute, il faut vivre seul dans son monde. On est de toute façon seul dans notre monde. Oui, mais avec plein de des millions d'interactions vis-à-vis d'autres personnes. Oui, mais à quoi ça sert d'avoir appris de toute façon que ces interactions-là ne devaient pas nous colorer? À quoi ça sert de travailler dans une conscience qui est totalement individuelle pour transposer la conscience dans un contexte totalement collectif de façon à pouvoir continuer à prétendre que nous sommes humains? Je sais qu'il y a énormément d'exploitation mécanique à l'extérieur. Sauf que si moi je prends mon Kleenex, je ne le jette pas par la fenêtre, je le mets dans une poubelle dans mon automobile, je suis exploité. Je me suis fait fourrer. Pourquoi? Mais parce que moi je dois prendre de l'énergie, je dois m'arrêter, je le mettre là-dedans quand je vois tout le monde garocher tout par la fenêtre. Non, ça c'est pas trop pire. C'est la même maudite chose. Garder ses poubelles, c'est pas trop pire. Mais c'est de ramasser celui des autres. Même là, ramasser celui des autres, ça change quoi? Ça reste tes poubelles, tu nettoies. Mais pendant ce temps-là, tu pourrais, je sais pas, être assis à te reposer, alors que là, il faut que tu passes le balai pour quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas être assis à te reposer lorsque tu es intelligent et que tu vois des choses inintelligentes se faire à l'extérieur. La société de demain, elle appartient à l'homme et à la femme et à l'enfant intelligent. Donc, nécessairement, les êtres intelligents d'aujourd'hui doivent commencer à préparer leur demain. Alors que si les êtres d'aujourd'hui se disent toujours, ben oui, mais les imbéciles, les animaux humains font rien. Les animaux humains vont progressivement être éliminés. Donc, nécessairement, on n'est pas à attendre que tout soit totalement détruit pour commencer à vouloir rénover. C'est comme je te dis, il y a un locataire chez vous qui ne sait pas à quoi sert une toilette. Bon, est-ce que tu vas attendre que ce locataire soit disparu pour commencer à intervenir? Mais là, tu vas te dire, oui, mais regarde, j'interviens ici, mais ça n'empêche pas que, on n'a rien à foutre du que, c'est ici. L'être humain, individuellement, doit devenir transportable, devenir conscientisable, devenir élevable. Alors, si dans une société de pourriture, tu es le seul qui ne pourrit pas, tu vas te dire, oui, mais je me fais exploiter. Pourquoi tu t'es fait exploiter? Et parce que je suis le seul con qui pourrit pas. Qui pourrit pas à l'extérieur. On n'a rien à foutre là où tu t'en vas, il n'y a que des êtres propres. Mais comment pouvons-nous déterminer si un être est convenable, conscientisable, suffisamment conscientisé ou non, si continuellement il vit de la frustration des inconscientisés? Et chaque fois que... Bon, la personne, elle se dit, bon, tu vois, là, moi, j'ai fait ça à un moment donné, dans une autre vie. Il y avait un personnage que j'ai été chercher qui, lui, avait tout fait. Il avait dans l'âme la capacité de donner des cours de certaines choses, une technique. Et puis, il avait essayé, il avait ouvert différents monastères, différentes écoles. Chaque fois, il avait fait faillite, c'est-à-dire qu'il n'arrivait jamais, jamais, jamais à s'en sortir matériellement. Et il en a mis du bénévolat, il en a mis du temps, et il en a mis de l'argent. Il travaillait 5 ans quelque part, puis après ça, il abandonnait. Et là, il repartait sa structure. Puis 2 ans après, tout était tombé. Il a tout perdu. Et il recommençait. Un jour, je l'ai pris, je lui ai dit, « Moi, j'ai la structure financière, je n'ai pas le temps de faire ce que tu fais, et ce que tu fais, ça se doit d'être fait. » Tu vas venir travailler chez moi. Mais tu devras aussi bâtir la même école. Mais par contre, je vais te fournir les locaux, je vais te fournir l'équipement, je vais te fournir les élèves, et tu devras quand même t'arranger pour qu'elle devienne finançable, autofinançable. Il dit, bon, bonheur total, parce que non seulement, il va falloir qu'ils mettent du temps, il va falloir qu'ils mettent évidemment de ses efforts, mais ils n'auront plus besoin de mettre d'argent, d'énergie matérielle de sa part. C'est déjà un maudit pas. Et ça, il le savait. Il était absolument heureux, emballé. Tu sais, c'était génial. 2 ans après, il était totalement exploité. Parce qu'il n'était pas payé. Alors que toute sa vie, régulièrement, non seulement il n'était pas payé, mais il payait pour apprendre. Cette fois-ci, on ne le payait pas. Mais il ne payait pas pour apprendre. Et s'il continuait, l'école devenait suffisamment grande pour qu'à un moment donné, il puisse commencer à se ramasser des peanuts comme ça l'air. Et s'il persévérait, il commençait à se ramasser des animaux. Et progressivement, il serait totalement libéré. Et il pourrait aussi déléguer à d'autres personnages pour commencer à monter des échelons hiérarchiques qui sont donnés uniquement à ceux qui fondent des choses, aux fondateurs. Pas celui qui se snob à un moment donné, au fondateur. Le fondateur crée des marches et au fur et à mesure qu'il permet des gens de venir avec lui, il monte. On le monte. Il ne peut pas dire, bah, ben là, je t'ai carré, je vais m'en aller à telle place. Ça ne se fait pas. Sauf que pendant 20 ans, le personnage a fait faillite régulièrement, il mettait tout. À un moment donné, il n'a plus tout à mettre et ça commence à fonctionner. Ça commence à fonctionner, il commence à, mémoriellement, à s'appuyer sur quelque chose de neuf pour lui, qui est la réussite, et automatiquement, il se court-circuite. Il commence à se sentir frustré parce qu'il, premièrement, il ne s'autorise pas à réussir. Il est un patron tant que ça va mal, mais il préfère être un employé quand ça commence à aller bien. C'est stupide. On devrait faire l'inverse. C'est un employé quand ça va mal, le patron, c'est le seul qui n'est pas payé. Puis quand ça va bien, devient patron. Patron, c'est le seul qui est mieux puis qui est bien payé. Sauf que ces personnages-là, qui ont un ego masochiste, un ego qui les auto-détruit, s'arrangent constamment pour se plaindre. Quand tout a commencé à bien fonctionner, l'individu était plus riche que jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas dépensé le temps qu'il était là. Ses dépenses étaient payées, il était nourri, etc., mais il n'avait pas de salaire. Quelques années après, bien là, on a dit, voilà, ça a coûté, disons, 20 000 $, mais à l'époque, c'était pas des dollars, pour t'amener où tu es rendu. Maintenant qu'il commence à rentrer un peu d'argent, on va commencer à payer les 20 000 $ qu'on t'a avancé. Oh, là, il est exploité, mon ami. Pourquoi? Parce que je faisais de l'argent, pas lui. Mais je ne faisais pas. Moi, je faisais de l'argent négatif. Je faisais moins 20 000. Je faisais moins 19 000. Je faisais moins 18 000. Ah, je l'exploitais, je l'exploitais, je l'exploitais. Là, il a fallu que je commence à le payer. Mais je restais à moins 20 000. Mais chaque fois qu'on avait 3 inscriptions de plus, ah, fallait augmenter son salaire. Mais l'année d'après, si on avait 25 de moins, il ne fallait pas le baisser, le salaire. Et ça, c'est l'individu qui, présentement, a tout ce qu'il a rêvé. Il a sa structure. N'importe quand, on est prêt à lui remettre son école. Mais ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Parce que l'être humain qui est présentement placé là est un être humain qui est en phase d'évolution. Étant donné que tous les endroits, les choses que j'ai faites dans les vies servent uniquement à améliorer la condition et la conscience de l'humain, nécessairement, il devait se conscientiser. Lorsqu'il devait, on va dire, signer un chèque, il y avait toujours la même chose. Il arrêtait de signer et il disait, « Pourquoi je vis? » Et ça, on ne retrouve pas ça dans les compagnies conventionnelles. Sauf que on ne peut pas et on ne créera pas une société neuve avec des individus qui ne sont pas capables de faire l'alliance entre les choses qui sont abstraites et les choses qui sont concrètes. L'être humain croit plus à l'émotion uniquement parce qu'il expérimente dans son corps physique. Alors il dit, ça, c'est du concret. La peur, c'est concret. C'est une vraie farce. Parce que l'énergie supramentale n'est pas encore capable de venir te faire triper. Et hormonalement, ça reste de l'abstrait. C'est la même maudite chose. Notre être humain qui se conscientise, qui évolue, non seulement n'applique pas ce qu'il sait, mais progressivement, il devient masochiste, il devient un petit être qui se détruit uniquement en appliquant contre lui ce qu'il sait. Parce qu'il sait à un moment donné qu'il est manipulé à se sentir exploité, eh bien, il en parle, et plus ça va aller, plus il va oublier qu'il se sent exploité pour avoir la certitude qu'il est exploité. Alors que chaque fois qu'il va s'asseoir pour voir logiquement les choses, il va se dire, crime, pendant 20 ans, je perdais tout. Maintenant, je suis mieux qu'avant. Je suis plus heureux qu'avant. J'ai plus d'argent qu'avant. Avant, je payais pour apprendre. Maintenant, c'est neutre. Et je m'en vais vers une phase où je vais être payé pour apprendre. Et logiquement, je suis un imbécile de chialer. Puis immédiatement, la conscience s'obnubile par la frustration qui court-circuite le mental, et là, l'ego commence à faire semblant de raisonner. « Oui, mais tu mérites plus que ça! »« Eh oui, mais voilà! » Là, ce que l'ego fait, c'est qu'il va ramasser des choses dans l'avenir, dans des futurs possibles, dans le neuf, et il vient lui dire « Regarde, tu n'as toujours pas la tarte! Regarde, tu n'as toujours pas le gâteau! » Au lieu de lui dire « Regarde, tu es maintenant assis, alors qu'avant, il fallait que tu te tiennes debout! » Bon. Tu as du confort alors qu'avant tu avais de l'inconfort. Non, notre ego qui se frustre limite tout. Pourquoi? Court-circuit, ça va de soi. C'est la seule façon que l'astral trouve. Quand l'astral ne peut pas faire baisser ton plein énergétique, l'astral s'arrange pour fournir, contre la vision du mental, les données mémorielles nécessaires pour pouvoir appuyer le mental de façon à créer un court-circuit. C'est évident que si je jase avec ces personnes-là, quand je parlais avec mon individu, il comprenait tout. Mais le moindre moment que je me retirais, il ne comprenait plus rien partout. Et on recommençait jusqu'à un moment donné où ce que tout est fermé, où ce que ça n'allait plus du tout. Où lui s'arrangeait pour faire faillite à l'organisation. Alors tout fermait. Et la personne, elle repartait. Elle repartait comme avant. Elle repartait où elle investissait son argent. Elle en avait beaucoup. Elle se sentait maudite, plus libre. Enfin, je suis libre. Et là, elle repartait, elle payait pour apprendre. Alors qu'elle était payée. Du moins, elle ne payait plus. Et 5-6 ans après, elle est revenue exactement comme avant, avec une seule idée. Un jour, elle s'est fait fourrer plus que jamais. C'est quand elle a rencontré Daniel Kahn. Ça, c'était évident. Et cette personne-là, par la suite, j'ai plus grand-chose à faire avec. Il faudra que j'attende qu'elle meure 2-3 fois, et puis par la suite, elle oublie. C'est comme se faire fourrer par l'astral, c'est se faire fourrer par le supramental, du point de vue de l'astral. Du point de vue de l'astral, de toute façon, oui. Mais le supramental ne t'a pas fourré. C'est comme de dire, parce qu'il ne m'a pas suffisamment énergisé, il m'a fourré. Oui, mais... Ça reste assez d'y chier d'en face. Tu t'es fait avoir parce qu'il ne te maintient pas. L'astral va te nourrir si t'es nourri, mais le supramental, il faut que tu grattes en maudit pour rester là. Non, exactement comme si tu dis, quand je sors du frigidaire, il y a de la chaleur, mais parce que la chaleur ne me retient pas dehors, t'es collé dans le frigidaire, tu rentres dans le frigidaire. C'est pas faux de la chaleur, c'est pas faux du frigidaire, c'est pas faux du froid. Toi, là-dedans, faut que tu fasses quelque chose. Mais c'est sûr, quoi faire, parce que je reviens à ton bonhomme là, qui donnait des cours. J'aimerais ramasser de l'argent, il rêve de faire une école. J'aimerais bien savoir ce qui est rendu, parce que c'est ce que je me dis aujourd'hui. Il y a quelque part au Québec. Les gens qui... Premièrement, je vais revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Les gens qui évoluent supramentalement, dans le sens du supramental, ont une attitude Teflon. C'est ce que tu identifies comme étant l'enfant Teflon. Alors, ce qui prime dans leur vie, c'est l'immédiat terme, c'est vivre tout de suite. Exact. Fait que si on revient à l'écologie, puis les interrelations personnelles avec les individus qui t'entourent, quand tu es obligé de ramasser ce que tu laisses traîner, bien là, dans l'immédiat terme, ça ne te plaît pas pantoute. Puis il y a le fameux doute qui revient. Ah oui, mais plus tard, est-ce que je suis un éboueur ou quoi? Je ne sais pas encore. Est-ce que je suis l'éboueur du cosmos? J'espère qu'il n'y a pas de saut au métier, qu'il n'y a que des sauts de gens. C'est vrai, quelqu'un qui est éboueur du cosmos, c'est une sauts de gens. Est-ce que tu es le vidangeur du cosmos? Tu peux l'être. Ceux qui évoluent. Il y a effectivement des vidangeurs de l'évolution, des éboueurs. Il y en a même qui sont l'éboueur et le camion. Il y a des êtres humains avec qui on travaille qui s'arrangent toujours pour être La petite bille attachée au bout de la ficelle attachée au bout de la queue qui traîne partout dans la boîte. Ils veulent être parmi ceux qui voyagent en Rolls-Royce, mais ils préfèrent être attachés dehors dans la boîte. Et effectivement, il y a un problème assez tendancieux dans l'évolution, c'est que si on est 20, le 20e, c'est le plus cave du lot. Élimine-le! Le 19e devient automatiquement le plus cave du lot et rapidement devient comme le 20e. Élimine-le! Le 18e va commencer à baisser en vibration puis commencer comme à ramasser le karma du groupe au complet. Alors qu'on ne devrait pas faire cela. La société, elle est là pour ramasser le karma de ceux qui se conscientisent. On ne devrait pas s'arranger comme ça. T'as deux êtres qui évoluent, puis plus souvent qu'autrement, assez rapidement, il y en a un des deux qui commence à souffrir plus, à crier plus, à chioler plus, à baver plus, etc. Uniquement parce que, comme si, et c'est vrai, dans le système traditionnel de l'évolution de la conscience humaine, il y a toujours ce phénomène de l'enfer et du paradis, il y a la dualité, la polarité. Et j'ai déjà dit que si on voulait se bâtir un village totalement paradisiaque sur une île, il faudrait qu'en même temps on bâtisse un enfer totalement infernal sur l'autre île. Et il faudrait que chacun des animaux humains ou des individus qui sont là, quelques mois par année, s'en aille en enfer. Pour pouvoir revenir là et continuer à être bien pur et beau. Parce que si on ne crée pas l'enfer en même temps qu'on crée le paradis, automatiquement on enferme dans le paradis l'enfer. Et automatiquement on commence à avoir les mêmes maudits problèmes. Et dans un groupe c'est la même chose. Mais ça c'est des lois complètement astrales. C'est des lois totalement astrales. Sauf que l'être humain qui reste encore dualitaire, l'être humain qui n'est pas capable de faire la différence, et merde, je le dis suffisamment en conférence spéciale, qu'on doit totalement se dissocier de ce que nous ne voulons pas être. Alors oui, mais mon ego, il me charrue. Écoute le pas, ton hostie d'ego, à un moment donné, cesse de l'écouter. Ah, mais je l'écoute pas, t'en parles tout le temps. Bon, mais ton intelligence, t'en parles jamais, jamais, t'as pas le temps. Oui, mais mon ego, il veut pas que je parle de mon intelligence, c'est brillant. Ben non, c'est pas brillant. T'es de l'intelligence, là, qui joue à de la marde, qui joue à de l'ego, qui est totalement rendu en bas. On le sait, on le sait, on le sait. Puis, qu'est-ce que ça sert à savoir? Ben, à broyer plus fort. Tu sais, je le sais. Tu broyes plus fort. Puis plus tu le sais, plus tu te sers de ce savoir-là pour pouvoir t'auto-détruire, te frustrer et te démolir en te disant, tu vois, je le sais. Donc, je suis plus calme, plus faible, plus ci, plus ça. Non, tu es dans une synergie de frustration qui court-circuite le mental. Le mental court-circuité, ça t'empêche ou ça t'évite de légiférer puis de te réveiller. Il y a des personnes qui, à un moment donné, bon, moi, je suis côte à côte avec un individu, et on se dit, on devrait apprendre à chanter. Bon, pourquoi? Parce que si on apprend à chanter, un jour, on pourra faire des chansons, puis on pourra aller chercher de l'argent rapidement. L'autre dit, ah, ben, c'est une maudite bonne idée. On commence à apprendre à chanter tous les deux. On chante pas ensemble dans le début, parce qu'on s'écarte les uns les autres. Et puis, progressivement, on commence. Bon, là, il y en a un, à un moment donné, que son ego l'autorise à aller passer des auditions. Les autres sont pas prêts encore. Hein? Ils sont pas prêts encore. Il y en a un qui chante mieux, mais il est pas prêt. Alors, il y en a un qui chante moins bien, et lui, il est prêt. Lui, il se dit, ben, j'y vais pareil, ils vont moins me dire ce qui est pas correct, etc. Il se pointe quelque part, ça passe. Pourquoi ça passe? Est-ce que c'est le meilleur oiseau? Non, absolument pas. Mais c'est le meilleur de ceux qui se présentent. Alors, on le prend. Et là, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que lui, il continue à se pratiquer, mais là, on le paye. Mais allez, toutes les autres, ils ne pratiquent plus les autres. Pourquoi? Mais là, ils se font spotter. Pourquoi? Parce que l'autre là, qui a réussi, là, qui leur en a parlé, il a rencontré des mots de belle menterie. Pourquoi? Mais il n'y a que lui qui pouvait réussir. Pourquoi? Mais parce que c'est comme ça. Puis là, tu continues à pratiquer à chanter. Un jour, tu auras une porte ouverte. Toi, tu pratiques, là, puis t'es payé. Tu sais, c'est facile de dire ça. Si, boire. On a commencé tous les deux égales. On n'était pas payé, on faisait pareil. Du moment que tu commences à pouvoir te frustrer, à être jaloux, ben, automatiquement, tu décides que c'est plus ça. Et que c'est idiot. Bon, je le répète, la majorité des conscientisés veulent être un patron. Tant que ça va mal. Quand ça va bien, ils veulent être des employés. Et ils veulent plus rester patron. Tout ce qui est l'inverse de la logique. Bon, dernièrement, je disais à certaines personnes, c'est évident que si vous apprenez à travailler avec votre grand gueule, vous allez être capable de monnayer votre intelligence. Il y en a une qui a commencé dernièrement. En deux jours, disons trois jours. En quatre jours, elle a ramassé à peu près 1 100 $ de paye. Puis quand je parle de quatre jours, c'est trois jours en réalité. Alors, 1 000 $ de paye en trois jours. Et là, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que pour cette personne-là, ça devient réel. Faut qu'elle fasse mauditement attention pour ne pas de patron devenir employé. Qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que là, si tu lui donnes pas sa paye dans l'heure qui suit, alors elle est plus sûre si t'es correct. T'sais. Faut qu'elle fasse attention à un moment donné pour quand tu vas lui dire, bon, eh bien maintenant, pour que tu continues, on va t'attacher une personne qui va répondre au téléphone, etc. Il va falloir qu'on prenne une part de ton argent pour la payer. Oh, il n'y a pas question! Vous devriez trouver des moyens pour... Ah, si! Et c'est toujours comme ça que ça fonctionne chez le conscientisé. Tout pour détruire. Ça peut arriver, ça peut ne pas arriver, c'est toujours ce qui arrive jusqu'à date, historiquement. Il y a moi qui fais des conférences, il y a un personnage qui fait des conférences. On a des groupements de compagnies, l'autre aussi c'est similaire. Tout le monde est sa corde raide, la majorité. Et souvent on va dire, oui mais regarde, un tel, un tel, un tel. Rien ne va. Pourquoi? C'est tout des maudits conscientisés qu'il y a là-dedans. Mais qu'est-ce qui paramètre ça, là, cette merde-là? C'est-tu l'astral, c'est-tu l'intelligence, c'est quoi? C'est juste de l'astral qui s'arrange pour récupérer dans les dernières phases de la libération d'un animal humain vers l'être humain, celui-là. Ça veut dire que l'intelligence permet ça? L'intelligence le permet simplement parce que l'intelligence ne peut pas te toucher. Il arrive un point, ça vous devez le comprendre, il arrive un point où l'être humain a suffisamment d'intelligence chez lui pour commencer à vivre une liberté de conscience. Donc, une liberté de conscience veut dire un libre arbitre dans la conscience, pas un libre arbitre dans la matière. Un libre arbitre dans la conscience, la liberté de conscience. Et ça, ça fait en sorte que l'animal humain devient un être humain et il commence à être régi par les lois de l'animal, par les lois de l'être humain, par les lois de l'initiation solaire. Dans l'initiation solaire, l'individu qui fait des projections se casse la gueule. L'individu qui projette négativement réussit. Dans l'initiation solaire, l'individu qui se fout de quelque chose. Et ici, dans le groupe, ici, il y a des gens extrêmement en avant. Juste pour te parler de quelque chose, de cet exemple. Il y a une organisation qui, à un moment donné, bon, ils travaillent quelque part sur une île en Haïti, entre autres, et ils avaient besoin d'un immense bateau. Ils ont acheté un bateau. Ils ont mis 200 000 $ pour acheter un bateau. Le bateau, ils l'ont fait vérifier avant, ce sont des hommes et des femmes d'affaires, all dressed. Bon, tout garni. Ils ont fait vérifier le bateau par des experts, c'était parfait. Ils l'ont acheté. Deux mois après, le bateau était bon pour la scrap. Et là, on va dire, ah, bon, c'est ça. Ils en ont racheté un autre, ils l'ont fait vérifier. Quelques semaines après, moteur est plus bon, il y a ceci, il y a cela pour la scrap. Ils ne se sont fait que fourrer. Ils sont ouverts une course scrap, au moins ils vont faire de l'argent avec ça. Une chose qui est arrivée à un moment donné, c'est qu'il y a une personne qui a commencé à leur parler de ce que vous savez, que vous devez appliquer, c'est de cesser de pousser. Alors ils ont racheté notre bateau, puis ils ont dit, là on va le faire vérifier, puis une personne qui a dit, non, si tu ne le fais pas vérifier, il va être parfait, je le sais, deux semaines après, il va être bon pour la scrap. Fait que ça vaut même pas la peine, c'est même pas une question de qu'on travaille mal, on travaille trop. On travaille trop. Ils l'ont acheté 250 000, là, c'est banzai, il n'y a rien à foutre avec. Ils l'ont placé dans leur quai, ils ont fait venir un évaluateur des assurances, il l'a estimé à près de 2 millions de bateaux. Ils ont fait venir un autre assureur, 2 millions aussi. Pour 250 000, ils ont acheté un bateau de 2 millions. On va chercher à comprendre, c'est comme ça que ça marche dans l'initiation solaire. La journée qu'ils ont dit que tout mange de la Wii, ben, ils en ont mangé, ceux qui ont vendu. Mais ce coup-là, c'était pas ceux qui achetaient. Encore là, c'est un problème. C'est pas un problème, c'est que dans le côté solaire, ça fonctionne comme ça. Je veux dire, la seule chose qu'il y a, si je te dis ça, c'est de l'eau. Il va falloir que tu y goûtes un jour pour le savoir. C'est toujours là de dire, oui, mais quand je vais être sûr que c'est de l'eau, je vais y goûter. Ben, c'est ça. Il y en a 25 000 qui vont te dire c'est de l'eau, tu vas dire, oui, mais ça, c'est les autres. Oui, je sais, goûte-y. Ah, quand je vais être sûr, c'est de l'eau, je vais y goûter. Asti, tiens, on va donner ça à quelqu'un d'autre, là, puis retourne donc jouer avec les animaux. Mais un coup, quand je dis que c'est dangereux, c'est dans le sens, parce que la fameuse égo, là, qu'on connaît tous. Ah. Qui a expérimenté une fois cette affaire-là. Il l'oublie vite. Pis... Non, mais par la suite, va se dire, mais là, joue le jeu. Bon, mais je veux qu'il y ait de l'eau dedans. Fait que là, je vais m'imaginer qu'il n'y a pas d'eau pour être certain qu'il y en ait. Oui. Pour en avoir. Mais toi, là, tel que tu es, tomberais-tu dans un piège aussi imbécile? Peut-être. Non. Non, t'en parles! Puis la majorité avec, la majorité de ceux qui se conscientisent ont tellement peur de tomber dans des trous qu'ils pourront jamais combler. Ils sont plus gros que le trou. Il n'y a rien à faire. Il y en a tellement qui me disent, oui, mais te rends-tu compte que si un jour, si, boulot, ça t'arrivera pas, ça n'arrivera pas à elle, ni à lui, ni à elle, etc. La majorité de ceux qui se conscientisent sont toujours pognés avec la peur du collectif. Oui, mais te rends-tu compte que si un jour... Si, moi, ça t'arrivera pas. Mais pour l'instant, il y en a encore qui ont un pied sur un coude. les deux. On est régi par les deux lois. Parce que ça plaît à... Le virus, ça plaît à l'ego, puis ça plaît à la conscience. Mais tout ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, il faut que les personnes... Là, c'est plus le cul qu'il faut qu'il se botte, là. Il faut qu'il se botte la tête, à un moment donné. Il faut absolument que l'individu finisse par cesser... Comment on peut... C'est tellement facile à comprendre. Vous êtes là, vous êtes vivant, vous allez mourir un jour, à moins que vous fassiez quelque chose pour devenir immortel. Le corps faisait que vous abandonnez, vous le détruisez. Là, la personne, elle se dit, oui, mais là-bas, avant de me lancer là-dedans, là, il y a du risque. Ah, c'est niaiseux. C'est niaiseux. Il y a du risque. Tu vas attendre d'être mort pour commencer à l'essayer, j'imagine. C'est quoi le risque quand de toute façon tes jours sont comptés? Ben, c'est le risque de perdre mon temps à faire quelque chose qui ne réussit pas. Tu peux pas perdre ton temps. De toute façon, il est perdu ton temps ou il est gagné ton temps. Si tu n'essayes pas, si tu ne goûtes pas à l'eau, l'expérience, elle se fait supramentalement ou expérientiellement. Pour la faire supramentalement, il faut que tu aies suffisamment de détachement de l'expérience pour pouvoir reconnaître la saveur d'un événement instantané qui n'est pas mémoriel. Et... concret que l'émotion exprimée hormonalement dans ton corps physique. Sauf que pour cela, tu dois décider de penser à quelque chose. C'est comme quand je dis aux gens qui font du cumberlandisme, bon, trouver ce qui est caché. Moi, je te dis simplement, prends ce chemin-là, il y a une fourche, décide laquelle des deux est bonne, puis trouve. Quand tu arrives sur la fourche, là, tu te dis laquelle des deux. C'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Faut que tu prennes une des deux fourches. C'est tellement plus quétaine, plus simple. Oui, mais c'est parce que je ne décide pas des questions qui me viennent à la tête. Oui, tu as suffisamment de libre-arbitre, donc de liberté pour que le mot soit plus juste dans ta conscience, pour être capable au niveau de la conscience d'imbriquer des choses dans ton ego, dans ton astral. Lui, il n'a pas de libre-arbitre, lui, il est manipulable. Alors, il va prendre la droite ou la gauche selon ce que ta conscience lui aura dit. C'est pas du libre-arbitre, pas du point de vue planétaire. C'est du libre-arbitre du point de vue extra-planétaire, dans ta conscience. Parce que tu manipules l'ego, tu manipules pas encore les stars. Tu manipules pas encore les autres individus. Mais tu manipules déjà ce qui va s'exprimer dans ton mot du corps physique. Quand tu arrives à la fourche, prends un des deux côtés. Oui, mais si je me trompe, qu'est-ce qu'on en a à foutre que tu te trompes? Pour l'instant, tu vis dans le but d'apprendre. Tu vis dans le but de te libérer, pas de te rendre à Québec ou à Sherbrooke. Ah ben, ça veut dire que je peux me poser n'importe quelle question, mais en autant que je tourne sur un côté. Oui, prends pause, t'as même pas de questions, tourne! Non, mais c'est parce que ce que je te dis, c'est que... Non, si tu te poses des questions, t'es encore en train de penser. Moi, ce que je te dis, c'est qu'on doit se lancer à un moment donné... C'est un piège, je peux pratiquer une technique pour cesser de penser. Ça peut fonctionner, par exemple, pendant une heure. Mais là, d'un coup, première nouvelle que je n'ai, je suis en train de penser. Oui. Ben là, je... Puis, au lieu de continuer à penser que t'es en train de penser... Puis que c'est pas ça que tu devrais faire. Puis de penser que tu devrais, maintenant que tu le sais, faire d'autres choses. Puis de penser que t'es peut-être un trou de cul. Puis de... Oh, Christ, si, à un moment donné, je pense non plus. Ouais, ça je pense. Oui, mais ils sont tous capables, sont tous prêts à le savoir. La seule chose qu'il y a, c'est que c'est tellement plus concret, n'est-ce pas, quand on souffre psychologiquement, que... Quand on évolue intelligemment. Évoluer intelligemment, c'est comme trop abstrait. C'est parce qu'on a l'impression qu'on touche quand à quelque chose. Quand tu te fais fourrer. Non, mais quand tu dis... Si quand tu réfléchis intelligemment, si quand tu intelligencies, ton cœur se mettrait à battre, tu dirais, yeah! Quoi qu'il marche. Parce que tu ne tripes pas hormonalement de l'intelligence, tu ne peux pas, tu refuses l'intelligence. Parce que l'ego refuse l'intelligence uniquement parce que l'ego ne peut reconnaître que ce qu'il connaît. Puis ce qu'il connaît est nécessairement expérientiel, hormonal, endocrinien et mémoriel. Quand tu touches à de l'intelligence, ça ne fait pas vibrer ton corps physique du point de vue endocrinien. Progressivement, ça va le faire vibrer du point de vue vibratoire, du point de vue énergique. Sauf qu'encore là, l'humain, c'est quoi énergique? Il y a des personnes qui travaillent l'énergie vitale puis qui la sentent. Puis après ça, si je leur dis, est-ce que vous êtes sûr que vous la sentez? Ah, ben, il me semble! Maudite gang de paix! Oui, mais. On est à la fin! Je comprends, les autres, là. Oui, mais. Maudite paix! C'est parce que ça. Tout ça, c'est. Il y a sûrement le mot qu'il faudra changer. C'est de la croyance. C'est, je crois au supramental. Je crois à ce que tu dis présentement. Mais c'est pire. C'est que l'individu ne croit pas au supramental. L'individu croit qu'il croit au supramental. C'est pire. L'individu ne croit pas que c'est l'énergie vitale. Il croit que c'est l'énergie vitale. C'est pire. Ouais, c'est pire. Oui, parce que les êtres humains qui se conscientisent en arrivent à un point où ils sont capables. Mais ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils croient qu'ils sont capables. Alors, nécessairement, ils ne peuvent pas se pousser. À quoi ça te sert de vivre toute ta vie à essayer de ne pas tomber dans un piège, quand le plus grand piège, c'est justement celui de la stagnation? Quand on parle de ceux qui se conscientisent, qui à un moment donné perdent leur argent, hein, mois après mois, puis on y donne, ça y va, la majorité. Mais c'est pas un gros problème grave. L'individu se ramasse sur une corde raide où il ne tombe jamais plus bas. Hein? Il se ramasse pas itinérant. Il tombe jamais plus bas. Sauf que quand il y a un compte qui arrive, il y a un chèque qui rentre. Au lieu de dire, maudit, ça va bien, tout ce qu'il y a, c'est que je ne peux pas connaître la sécurité. Mais je n'ai pas de problème. Quand ça rentre, ça rentre. Mais l'individu, il se dit tout le temps, premièrement, qu'il ne peut pas connaître la sécurité, donc c'est chien. Qu'est-ce qu'il y a de chien? T'as tout ce que tu as besoin d'avoir. Qu'est-ce qu'il y a de chien? T'as rien de chien. Mais pour l'ego qui aimerait être sécurisé par n'importe quoi, mais le pire, c'est que l'ego se dit, « Ah, 500$, parce qu'il rentre un compte en même temps. Qu'est-ce que ça va mal? » Non, c'est des comptes, là. C'est du karma que tu as ramassé, mon ami. On ne les invente pas, les comptes. Alors, si l'argent rentre, c'est justement pour que le compte ne te fasse pas plus mal. Pas pour te faire chier que le compte rentre. Mais est-ce que tu peux... T'as dépensé avec ta carte. Est-ce que tu peux t'accumuler du karma pour pouvoir vivre une couple d'années tranquille? Est-ce que c'est ce qui se passe? Non, l'individu doit s'arranger pour finir par se transporter l'autre côté dans le monde de l'intelligence supramentale, dans le monde de ceux qui vivent au soleil, non pas ceux qui vivent sous la lumière de la lune parce qu'ils ont peur de voir, du côté initiatique plaisant. De ce côté-là, il n'y a pas de karma? Non. C'est-à-dire, d'un côté... Il n'y a pas de karma cumulatif, il y a toujours un karma instantané. C'est conséquentiel, là. Absolument. Il reste le karma oui, d'acide, ben, c'est tout. Le karma, c'est toujours conséquentiel, mais c'est dans le temps. Il ne reste là que le karma d'acide. Quand tu mets ta main dans un bac d'acide, okay. T'as un karma d'acide. C'est rien que ça qui reste. Fait que t'as pas marché sur des clous, t'as pas tout linké. Mais t'as pas de karma collectif, t'as pas de karma différé, t'as pas de karma karmique. T'as pas ce genre de problème de bébite noire qui te manipule continuellement. T'as même plus le karma de tes 30 millions de réincarnations d'ancêtres. Mais est-ce qu'il y a encore cette loi-là, mais c'est parce qu'on a une attitude différente qu'on s'accumule pas de karma? Il y a encore cette loi-là pour les autres. C'est tout. Non, mais c'est parce que c'est comme si on vit dans un monde parallèle, on vit ensemble. On vit pas dans un monde parallèle, maudit. C'est comme si le gars qui est pauvre, qui se promène toujours à pied, qui est toujours habillé en guenille, bon, à un moment donné, il gagne 50 000 à la loterie, et puis là, ben, il continue à être pauvre, il continue à être bien guenille, etc. Pourquoi? Ben, il a son 50 000, mais il a billet de loterie. Pourquoi? Ben, parce qu'il tient pas à les changer. Pourquoi? Ben, parce que c'est pas quoi ce qu'il va faire avec. Pourquoi? Parce que, etc. Il y a tellement de personnes âgées que j'étais ramassé quand je travaillais pour l'urgence santé, on les amenait. Puis là, quand on fouillait pour trouver le médicament, on trouvait des piles de chèques de pension de vieillesse non changés. T'as même plus gros. Mais il y en avait des piles et des piles et des piles et des piles et des piles. Ils n'osaient pas mettre l'argent en banque, ils n'osaient pas le changer à la peur. Ça, c'était correct. Ça valait rien. Alors, ces personnes-là, c'est la même chose. Exactement la même chose. Ils ont ce qu'il faut pour, puis ils touchent à rien, ils ne changent rien. Ils sont millionnaires, ils sont millaires, et puis ils ne savent pas. Ben, ils savent, mais ils ne savent pas. Ils croient qu'ils sont riches. Alors, nécessairement, ils ne dépensent pas de l'argent parce qu'ils croient qu'ils sont riches. Ils ne savent pas qu'ils sont riches. Puis, pire, à un moment donné, ils savent qu'ils sont riches, puis ils croient qu'ils savent qu'ils sont riches. Ça ne change rien encore. Alors, chez eux, il y a plus de vibrations comme quoi c'est ça. Mais ça ne change rien leur maudit comportement. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables de faire la séparation entre tout ce qu'ils ne sont pas, ce que vous ne voulez pas être, et tout ce qu'ils sont, ce que vous voulez être. Voulez-vous être chioleux, chioleuse? Non. Ben si, boire, c'est pas vous autres. Ça ne sert à rien. Ça vous habite, c'est là, c'est pas vous autres. Oui, mais là, mon ego. Non. Cesse donc de toujours valoriser ton maudit ego. Mon ego, il me dit que je devrais aller chercher quelque chose pour me droguer. Vas-y pas. Comme il fait d'en parler, c'est pas le meilleur moyen pour finir par régler quelque les chose. Les individus en parlent pas, les individus en chiolent. Mais nécessairement, c'est l'ego qui se manifeste. C'est Pas nécessairement, c'est l'ego qu'il faut que se manifeste. C'est évident qu'elle se manifeste, l'ego. Mais pourquoi ton mental, il se manifeste pas par-dessus? Il est capable, en plus. Il y en a qui en ont pas. Pourquoi? Ce que je remarque, c'est que il y a des gens qui... Tu parles avec, on parle de leur mental, et puis tout d'un coup, on parle d'un autre sujet, on s'aperçoit qu'on s'adresse à l'ego. Ben, on parle au mental, c'est l'ego qui nous répond. On parle à l'ego, c'est le mental qui nous répond. C'est là, on ne sait plus faire la part des choses. Puis c'est le peut-être... Reste, le reste, ça ne t'en rend pas compte, évidemment. Le reste, c'est peut-être bien... Ben, quand ton ego se met à parler, puis tout ça. Ah, ben, c'est ça, mais c'est ça que j'allais dire, là. C'est... Le contraire est vrai aussi. Oui, mais ça, c'est pas grave. Ça, ce sont des choses bénignes dans l'évolution. C'est comme vous faites de la course à pied, puis à un moment donné, vous vous rendez compte que votre rythme de pas est pas le bon. Ben, vous le corrigez. Mais non, ceux qui se conscientisent, les autres, là, ils philosophient pendant une demi-heure de temps sur le rythme qui est pas bon. Essayez de comprendre pourquoi il est pas bon. Corrige-le. Comprends pas pourquoi il est pas bon. Il est pas bon. Corrige-le. C'est simple. Ah non. Sa philosophie et sa médite. Là, ils sont bien, ils sont sécurisés. Ils se plaignent, ils souffrent, mais maudits qu'ils sont bien. C'est des égos masochistes. C'est qu'ils sont bien. Puis là, le pire, c'est que même si tu leur achètes un fouet supramental, ils vont triper. C'est le genre d'individu qui adore les conférences ou ce qui mange la mort tout le long de la conférence. Là, ils partent, hey là, c'était bon, hey là, c'était haut. Ils n'ont rien compris, rien appris, mais c'était haut, puis c'était bon. C'est d'un maudit danger. Parce que ce qui arrive, c'est que l'individu a ce qu'il faut. La preuve, tu peux parler avec lui. Hein? Vous pouvez parler ensemble, vous jasez ensemble, vous en savez les choses. Quand j'ai dit dans une conférence à un moment donné que n'importe quel psychologue qui vient vous affronter, vous pouvez le transformer en fou ou en folle. T'en savez plus qu'eux autres. Mais appliquez-vous plus qu'eux autres? Non, peut-être même que des fois, vous auriez besoin d'un psychologue pour vous aider. Il y a quelque chose qui doit aller. Mais c'est que le conscientisé ne pense pas à l'action. Il n'applique pas son savoir. Il ne pense pas à l'action solaire. Il pense à l'action entre les deux. Il se fait réchauffer au soleil d'un bord, puis il gèle carrément à l'autre bord. Puis, de temps en temps, ben, il se fait tourner comme un poulet, là. Il se fait un poulet, il se fait gêner d'un bord, puis là, il trouve que l'énergie supplémentaire, ça compte des menteries. Tu vois, j'avais le doigt réchauffé, là. Ben, regarde, là, il commence à geler, tu vois. C'est encore fait fourrer. Bon. Reste pas là, autour de là, bouge. C'est pas de dire, ben, m'a démissionné, m'a divorcé. C'est pas ça, c'est pas dans la matière, c'est pas horizontalement qu'il faut que tu évolues, c'est verticalement qu'il faut que tu évolues. Alors, tu restes géographiquement à la même place. Mais il y a de quoi, je n'arrive pas à comprendre. Parce qu'il y a rien de quoi, c'est pas pire. Mais lorsque j'aurais compris ça, là, c'est qu'est-ce qui fait tout. Qu'est-ce qui manipule tout ça? Qu'est-ce qui fait en sorte que je veux évoluer, mais que je me fais ramasser, par exemple, par l'ego, par l'astral, c'est... Bon, on va mettre ça dans la même boîte. Et puis, quel mental qui est aussi puissant, ou assez puissant pour y faire... Même que des fois, il prend le dessus, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à passer par-dessus? Est-ce que c'est une loi... Bon, c'est pas le temps, mais... À quoi ça sert de savoir qu'est-ce qui fait que, pour l'instant, là... Mais c'est pas... Quand on explique qu'est-ce qui fait que, c'est qu'on donne de l'énergie, ça permet d'énergiser le corps, ça permet d'énergifier le corps éthérique, c'est correct, c'est bon. Maintenant, à un moment donné, tu as suffisamment d'énergification et d'énergie pour qu'on laisse tomber les qu'est-ce qui fait que quoi, et qu'on passe maintenant à l'application de d'autres choses. Là, il ne faut pas que l'être humain applique le nom libre arbitre. Ça, c'était de l'énergie pour qu'il comprenne des mécaniques astrales et planétaires qui l'obligeaient à être quelque chose d'autre que ce qu'il est réellement. Bon. Faut pas que l'être humain, maintenant, applique les lois contre l'astral, ou etc. Faut pas que l'être humain applique les... Non, c'est pas ça pour tout. Alors moi, je suis d'accord pour appliquer la vie, pour vivre. Oui. Maintenant, oui. Tu as suffisamment d'énergie, suffisamment de rapidité cérébrale, suffisamment de conscience pour ne plus te faire fourrer par une rose qui te regarde. Bon. Mm-hmm. Sauf qu'il faut que l'humain maintenant décide de passer à l'action. Pour cela, il faut que l'humain finisse d'instruire son ego à certaines choses. Il faut que l'humain passe à l'action. Ouais. Mais l'humain, qu'est-ce qu'il fait encore une fois, je te le dis? Il se met à courir, puis à un moment donné, il y a une roche dans son soulier. Puis il continue à courir en boîte en dedans, puis il se pose des questions pendant deux jours de temps. Comment ça se fait qu'il y a une roche dans mon soulier? Autre, la roche dans ton soulier. Oui, mais j'aurais jamais dit qu'est-ce qu'on en fout? T'es rendu à un point où tu dois vivre. Plus expliquer pourquoi tu dois vivre, plus expliquer comment tu dois vivre. Tu es rendu à un point, pas dans tout, mais il y a tellement d'éléments chez chaque personne qui sont ici, qui sont prêtes à être vécues. L'individu continue encore à philosopher là-dessus, il continue encore à psychologiser là-dessus, au lieu de passer à l'action. Puis l'action est facile. Est-ce un jeu de l'intellect qui s'amuse à compliquer? Je fais ça un jeu, si tu veux. C'est un phénomène qu'il faut qu'on élimine. On ne doit plus continuer à être ce que nous sommes comme nous sommes. On est toujours pris entre les taux où d'un côté, c'est ce qu'on est, l'ego dit ce qu'on aimerait être, et l'autre côté, c'est ce qu'on n'est pas, puis l'ego dit ce qu'on veut plus être. Puis on est entre les deux. Puis en étant entre les deux, on est bien écrasé. Puis la souffrance est partie intégrale de ce qui amène la sécurité chez l'humain. Les êtres ici, là, qui ne veulent pas évoluer, sont des êtres qui ne se respectent pas. Ce sont des êtres qui respectent bien des choses sauf eux autres. Ce ne sont pas des vrais teflons purs, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être été teflons, mais ils ne se respectent plus. Ils savent qu'ils ont raison d'être là, et en même temps, ils se sentent frustrés d'être exploités d'être là. Bon. Ils savent qu'ils ont raison de penser telle chose, et en même temps, ils se sentent coupables de ne pas penser différemment. Et ces êtres-là, ben, on peut pas arriver avec une hache, puis trancher en deux, puis jeter le mauvais aux poubelles, puis garder le bon. Ces personnes-là doivent eux-mêmes faire cela. Travailler avec la partie anti-homme, conserver l'autre. Mais là, l'individu, il se met encore dans un espèce d'état donquichotien, où il se lance dans... Il veut absolument faire un tournoi magistral contre son anti-homme. Mais plus l'être humain est capable de faire ce genre de choses, plus le combat va devenir subtil. Plus le combat devient subtil, nécessairement, moins l'individu va vivre ce genre de tournoi où il aimerait affronter en chevalier son double anti-homme. Le double anti-homme, là, il est en train de pisser dans ton armure pendant que tu cherches dehors. C'est ce qu'il fait. Fait qu'il était là de demander comment ça fait que ça t'arrive, là. Toi qui étais un chevalier prêt à battre ton double anti-homme, là. C'est parce que t'as pas encore tout à fait compris ou tu n'appliques pas les choses comme il faut. J'avais un ami qui parlait de la gratification dans l'évolution. Et puis, ça faisait du sens, d'un sens. Mais encore là, c'est un jeu de l'ego. Ben, c'est l'évolution méritoire. C'est la même chose. Non, mais c'est l'évolution méritoire. Ben oui, gratifié. Non, mais dans le sens, c'est payer du bon temps. Oui, même là, ça reste encore méritoire, ça reste encore gratifié. On te donne un beau batch, tu es rendu au niveau évolution sur la plage, tu es rendu au niveau conscience pré-mentale sur un bateau, tu es rendu au niveau conscience pré-mentale au soleil massé par trois Hawaïennes ou trois Hawaïens sur la mer du bon. C'est la même chose. Les résultats secondaires de l'évolution n'arrivent jamais en premier dans l'évolution. Ce sont des résultats secondaires. Il y a celui qui veut copier celui qui évolue, et qui là se dit, ben oui, mais regarde, là, pour évoluer, là, il faut être riche. Quand tu es riche, c'est parce que tu es évolué ou parce que tu es le gardien monétaire de ceux qui ne savent pas encore que tu as leur argent. Bon. Celui qui évolue va devenir libéré de la matière. Celui qui évolue va devenir libéré du temps. Être riche, c'est d'avoir du temps et de l'argent. Mais là, l'individu qui se dit tout le temps, oui, mais là, moi, est-ce que je me conscientise ou pas? Regarde, j'ai pas d'argent, puis j'ai pas de temps. Oui, tu te conscientises, mais merde, t'es comme celui qui est à l'école élémentaire. Oui, mais est-ce que je suis à l'école, là, moi, là? J'ai même pas encore de doctorat. Et oui, t'es à l'école. Mais faut maintenant que tu suives les cours. Hein? C'est pas en t'inscrivant à l'école que tu as fini. Faut que tu suives les cours, maintenant. Les cours, c'est toi, le cours de ta vie. L'individu recherche, puis c'est tellement banal. Il suffit juste de virer de cap le moindrement un petit peu pour que tu te changes au complet. Les personnages là, qui ont acheté un bateau en se disant, ah, puis là, ce coup-là, le merde, il en faut en acheter un, tant qu'à se fourrer, faisons-nous fourrer, ils ont gagné. Puis ça, c'est pas, je donne un exemple comme ça, mais je n'ai plein en ce qui me concerne moi, je n'ai plein en ce qui concerne quelques autres personnes. Ceux qui parviennent à appliquer suffisamment des choses qu'ils connaissent, qu'ils savent, ça change. Il y a des personnes qui, moins ils travaillent dans une par jour, moins ils travaillent par semaine, tout en restant très conscientisés, plus l'argent rentre. Là, tu vas dire, voyons, non, ça se peut pas. Exact, ça se peut pas. Dans le monde conventionnel. C'est pour ça qu'on doit commencer à se sortir du monde conventionnel si on va aller chercher quelque chose d'autre. À l'instant où l'ego est en bas, tu risques encore de faire avoir. Mais on le sait, ça. Mais on n'est pas pour commencer à faire de la philosophie pendant 2 ans là-dessus. On le sait. On l'a compris. Bon, on le voit, on le vit même quand ça arrive. Là, tu vas dire, ouais, mais regarde, j'ai pas vécu cette semaine, je m'en rends compte, mais seulement maintenant. C'est ça. Yeah. C'est mieux qu'avant. Mais pas ça, continue. Mais ça, faut même pas en peine de se poser des questions. Mais là, comment on en profite pour se démolir. Chaque fois que j'arrive à sauter, là, par-dessus la perche, regarde ce que ça donne. Puis il y a plein de personnes qui se concentrent de même. La perche était à 12 pieds. Ils prennent leur grande baguette, ils s'en viennent en courant, ils pognent là-dessus, passent par-dessus, ils réussissent. Ils arrivent en bas, ils sont contents, non. Viens là, mon genou a failli l'accrocher. Puis je suis souvent que c'est de la déblatération comme ça. Fait que là, ils vont même pas chercher leur médaille d'or, ils s'en vont broyer, crier, ils se mettent dans le clan, etc. Puis ils ont jamais rien vu, on s'est pas trouvé, on les trouve pas pour leur donner leur médaille d'or. Fait que celui qui a accroché à bord à 12 pieds, qui a réussi à 11 pieds, on le met en médaille d'or. Hein. Parce que celui qui a réussi à 12 pieds, pas là, il va chioler que son genou a failli accrocher, puis sa malléole interne aussi, puis il a failli glisser avec sa perche, puis il me semble qu'il pourrait faire mieux, puis etc. Bon. C'est le concept du perfectionnisme. Le méritoire, puis en plus encore, le phénomène de frustration où ce que tu étais toujours frustré de tes résultats. Avant, vous étiez frustré de vos échecs, puis vient un moment donné où est-ce qu'on commence à se frustrer de nos résultats. Fait qu'il y a une frustration qui peut être vécue par rapport à partir de ce que tu dis, la façon dont il y a un concept qui est formulé par chaque individu, le concept de la perfection de l'évolution. Puis du moment qu'on s'aperçoit qu'on a failli à ça, mais on a failli au concept, ben là, on y oui, parle mais une débat. Oui, parce que c'est ça qu'il y a, c'est qu'il faut douter même du doute. Il y a de l'intelligence à s'améliorer. Donc, il y a de l'intelligence à se perfectionner, à devenir plus parfait. Mais on doit devenir parfait sur toutes les facettes. Tu ne peux pas vouloir être parfait dans la richesse si tu chiales quand tu ne l'as pas. Tu n'es pas parfait dans le non-chiolage. Mm-hmm. Bon. L'évolution, c'est un tout. L'évolution, ça avance toujours un peu en broche à foin, jusqu'à un moment donné où ça peut avancer d'une claque. Mais on va dire, crime, c'est bien mieux. Dans l'évolution pycéenne, c'est comme un tronc d'arbre qui descend une montagne. Quand elle frappe une roche, elle ralentit. Fait que là, on dit, crime, gars, il est patient, mais il est très colérique. L'évolution est inégale. Frappe une autre roche, ça revient d'abord. Là, il vient d'évoluer, là, il est plus colérique, mais il est très impatient. Ça vire de mort. Ça s'en va de même. D'où des morceaux, il y a un petit bout de souche qui dépasse avant. Ah, il est plus évolué, là. Ça continue à rouler, puis ça disparaît, puis ça s'en va comme ça. Sinusoïdal. Il vient à un moment donné où tu vas descendre tellement puissamment que là, la roche, tu vas l'écraser. Ça s'en va d'un bloc. Là, tu vas dire, ah, mais c'est mauditement mieux. Oui. La seule affaire qu'il y a, c'est que le bloc ne commence pas à descendre tant que tout n'est pas égal. Fait que tu chiales un peu, ça bouge même pas. Bon, tu pètes de travers, ça bouge pas. Oui, mais pourtant, je suis très évolué. Non, pourquoi? Ben parce que tu viens de le dire. Tu te plains encore. Ça bouge pas. Tu as tout ce qu'il faut, ou presque. Alors qu'avant, il fallait... Les petites choses ne dérangeaient pas trop. Il fallait des mots de grosses choses pour te faire avancer, des grosses choses pour te virer de bord. Maintenant, les petites choses t'empêchent d'avancer. Puis il faut presque rien pour que tu partes. Puis une fois que tu es parti, ça va bien. Mais non, l'humain il reste là-haut de sa montagne, puis il observe. Tu es content de voir les autres en arrière qui traînent, là, puis en même temps, ben là, ici. Regarde comment c'est un être qui se conscientise, qui a encore un peu d'ego. Il se fend derrière pour monter en haut de la côte. Quand il est rendu en haut, il se retourne de bord, puis là, il se dit, il fait 5 ans que je monte. Là, il regarde, ah, il y en a un qui commence, là, ah, s'il savait ce qu'il l'attend. Hey. 2 ans après, il regarde, il est quasiment rendu en haut. Ah oui. Puis là, qu'est-ce qu'il fait? C'est injuste, j'ai été exploité. Calibois, t'as perdu notre temps pour s'amuser. C'est parce que t'as monté en premier que t'as ouvert le chemin. T'as fait un sentier dans la neige, c'est plus facile pour l'autre. En plus, tu peux te dire, oui, mais regarde, là, si j'avais attendu, là, en 2 ans, je serais monté. Ah oui. 5 ans plus 2 ans, 7 ans. Mais le parallèle s'applique dans la vie par rapport à l'évolution. Et c'est évident que ça s'applique dans la vie. Pourquoi tu penses que je parle? Je parle. Il y a bien des parallèles qui s'appliquent, mais je veux vérifier celui-là. Je te pose la question, est-ce que celui-là s'applique vraiment dans le sens de le premier qui passe, il rouvre le chemin? Bon, mais c'est à ça que je veux revenir. Bon. Mais celui qui passe, il souffre plus. Mais il y a plus à rendre l'autre bord. Ah, mais celui pourquoi? Qui passe après, il me fait exploiter. Si j'aurais été le premier, ben j'aurais été mieux. Mais pourquoi aurait-il plus? Ou bien non, il me fait exploiter. Je souffre plus, puis j'ai rien encore. Pourquoi avoir le plus? Mm-hmm. Parce qu'il va ramasser plus d'énergie. Bon, mais ça devrait... Comme avant. C'est comme simplement... Si ça devrait être la même chose qui attend tout le monde un coup de passé. Effectivement, ça devrait. Mais il y a une grande rangée, puis c'est des 10 piastres qui traînent partout à terre. Si t'es le premier à passer et à en ramasser, il y en a plein partout sur le plancher. Ouais. Tu ramasses 10 piastres, tu fais un chemin. Mm. Là, les autres en arrière, ben, ils ramassent 10 piastres aussi. À la même place, tout le monde a autant. Mais vu que t'es en avant, t'as toujours plus que tout le monde. Pourquoi? T'es le premier à passer. Mais vu que t'es le premier à passer, c'est sûr que t'as plus peur, etc. Bon, mais t'as toujours plus, t'es la pointe. Est-ce que l'énergie amassée, est-ce que ça reste? Est-ce que tu peux cumuler de l'énergie? C'est changer notre... C'est quoi ça fait? C'est... Parce que l'énergie, c'est comme de l'eau? En réalité, cumuler de l'énergie, c'est uniquement attacher de l'énergie à t'obéir, c'est tout. L'air fait partie maintenant des forces qui vont t'obéir. Si je prends une dose X d'énergie, je vais exprimer dans par exemple, dans le jour après, ou pas longtemps après, le même X de dose en énergie, je vais exprimer ça. Oui, mais ça veut dire que je viens de le perdre. Ce que j'ai dit, non, tu ne le perds pas. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que cumuler de l'énergie, c'est avoir la capacité consciente de contrôler de l'énergie. Quand tu crées ton double éthérique, tu vas simplement prendre de l'énergie dans le plan vital, puis tu vas le former en forme. Tu vas le former. Ça devient un double. Bon, quand tu as beaucoup d'énergie et ton énergie manipule l'extérieur, c'est simplement que tu as le contrôle de l'énergie extérieure. Quand tu perds de l'énergie, c'est que tu perds de la conscience. Tu perds donc le contrôle de l'énergie extérieure. Alors les individus trouvent tellement d'énergie. Pourquoi? Parce que ton influence ne se fait pas sentir jusque-là. Mais c'est juste ça. Donc, si moi je m'en vais quelque part et que je transforme une partie du Sahara en Éden, je n'ai pas perdu d'énergie. J'ai pris de l'énergie ambiante qui pouvait être dans le monde astral, qui pouvait être un peu partout, et je l'ai contrôlée pour faire des choses. Ma conscience reste la même. Parce que ma conscience, présentement, a tendance à s'exprimer dans un corps de chair neuronique, nécessairement, si le corps de chair est altéré, là, il y aura comme une déconnexion. Et on dit, j'ai perdu en énergie, c'est-à-dire qu'en réalité, j'ai perdu en capacité de contrôler de l'énergie. Bon, ne pouvant contrôler de l'énergie, je ne peux pas contrôler mon ego. Je ne peux pas contrôler mon corps astral. Je ne peux pas contrôler mon canal réincarnationnel. Quand je grossis ma conscience, je peux contrôler cela. Alors, je me sens plus maître chez moi. Contrôlant les facteurs astraux, je suis plus mental. Et je dis, je suis plus énergisé. Par la suite, je vais contrôler l'extérieur, ou mon corps vital. Et je vais dire encore, je gagne en énergie. Tu gagnes en conscience. Ce qui fait cellulariser ou muter, c'est le contrôle du mental sur l'énergie. La capacité qu'a le corps physique de se rappeler que le maître, c'est toi. Et non pas la mémoire. Quand le corps physique est suffisamment reprogrammé, quand il y a cellularisation de la mentalisation, quand il y a cellularisation de l'intelligentiation, eh bien nécessairement, le corps physique maintenant obéit uniquement à la conscience. Et il y a des nouveaux créneaux de communication qui vont s'établir, ce qui va faciliter énormément la rapidité et la vitesse d'intervention de ton corps mental dans ton système planétaire, ton corps physique. Et comme le corps physique est celui qui sert de lecteur au corps astral, quand l'intelligence va exprimer quelque chose dans le corps physique, l'ego va le lire et l'ego le lisant va croire que c'est lui. Donc, par le biais du corps physique, tu transformes totalement ton ego et tu vas humaniser ton double anti-homme où, à un moment donné, il va s'expulser lui-même. Soit qu'il va réintégrer le canal réincarnationnel, se ramasser dans le monde de la mort et être oublié. Donc, ce n'est pas évident que tout le monde va rencontrer son double anti-homme pour se battre avec. Soit qu'il va simplement sortir à travers ton corps vital pour pouvoir, justement, s'efforcer de te leurrer dans une peur conventionnelle. Plus l'individu se conscientise, moins le double éthérique va tenter de le fuir en s'opposant à lui matériellement, vitalement. Pourquoi? Parce que ça va être tellement connu dans ton ego, dans la partie homme, que ça ne te dérangera pas de le voir. Tu vas simplement l'envoyer promener, puis tu vas t'en aller. Donc, nécessairement, le double anti-homme va de plus en plus procéder, non pas comme on l'a fait dans le passé, mais par de nouvelles façons de récupérer lui-même. Bon, la frustration, c'est une chose. Et à un moment donné, il pourra aussi, par le canal réincarnationnel, simplement sacrer son camp. En s'en allant, il va aller se juxtaposer au double anti-homme d'une autre personne qui te déteste, et ils vont te détester un peu mieux. Et par la frustration... Ouais, la frustration, pas la fusion. C'est la manière douce, comparativement à... C'est manière douce. Douce, mais... C'est bien compliqué à dire si c'est doux ou pas, parce que très, très, très puissant à 30 secondes ou très, très, très, très, très doux pendant 300 ans. C'est quoi la meilleure... Parce qu'il y en a une qui est écœurante, puis l'autre qui est... Les deux sont écœurantes. Ça devrait pas arriver à un être humain. Donc, les deux sont écœurantes. Mais c'est inévitable. Ça n'arrive pas à l'être humain, mais ça arrive à l'animal humain. Puis parce que l'être humain continue à se vautrer dans la graisse de l'animal humain, ben nécessairement, c'est... C'est inévitable pour l'animal humain? C'est évitable. L'animal humain. Non, pour l'animal humain, ce n'est pas inévitable, et il ne veut pas l'éviter, et il n'a pas à l'éviter. Bon. Pour l'être humain, c'est évitable, il devrait l'éviter, il peut le faire, mais il ne le fait pas. Parce qu'il ne veut pas le faire. Parce qu'il continue à croire qu'il croit. C'est gros problème. Est-ce possible de... Comment veux-tu qu'un être humain se fasse exploiter actuellement sa planète? Un être humain qui se conscientise, comment peut-il se faire exploiter? Si on se réveille un tantinet, un tout petit peu, là, à peine, si on fait juste croire qu'on se réveille, à peine, chaque fois que l'être humain qui se conscientise vit, il apprend, il se connecte, il se déconnecte, il comprend, il se libère. Et il a du temps à perdre pour s'asseoir en pensant qu'il se fait exploiter. Mais le corps... Alors que sa conscience est en pleine croissance, il se dit exploité. Voyons donc. Le corps physique peut se faire exploiter. Il ne se fait même pas exploiter. Il se fait utiliser. Ok. Oui. Tu dis, oui, mais là, mon corps se fait exploiter. Non! La négoïsation, c'est ce qui est le plus important. Ça te fait négoïser. Tu ne te fais pas exploiter, mon ami. Tu es un des rares êtres humains à ne plus se faire exploiter. Et plus tu vas être capable de rester dans le système écologique, de comprendre l'intelligence, la mécanique. Il y en a qui, à un moment donné, sont capables de retourner dans la merde de là 5 ans uniquement pour ne pas se sentir exploité. Parce que là, ils ne se sentent pas exploités. Ils sont sûrs qu'ils sont exploités. Il n'y a aucun doute. Comment veux-tu te faire exploiter? Parce que l'important, c'est ton évolution au niveau de ta conscience. C'est même pas le reste au complet. Dans 5 ans d'ici, ceux qui se sentent exploités, imaginez comment vous allez être. Si vous restez dans un cadre qui semble logique, qui l'est souvent, puis que vous laissez plus ramasser par ces idées de frustration-là. Comment vous allez être dans 5 ans d'ici? Bon, mais peut-être que j'aurai pas plus d'argent. Non, mais quel genre d'humain vous allez être, par exemple? Vous allez être exigé. Vous allez avoir tout ce qu'il faut pour aller chercher du fric. Ça va venir, vous ne veut pas. Ah, l'humain, ça m'a décroché. On décroche une petite 15 minutes.